Chapitre 147. L'invocation du malade qui se sent proche de la mort. 911. Aïcha, radiallahu anha, rapporte avoir entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, alors qu'il était adossé contre elle et à l'agonie, « Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la suprême compagnie. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq al-a'la. » Al-Bukhari et Muslim. 912. Aïcha, radiallahu anha, rapporte avoir vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était à l'agonie, tremper sa main dans une tasse d'eau puis la passer sur son visage en disant « Ô Allah, aide-moi à supporter les affres et l'ivresse de la mort. » At-Tirmidhi. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.